Le restaurant Midas de Saint-Félicien fête son 50e anniversaire et pour le mois de mai, on vous offre 3 morceaux de poulet frit avec sauce, frites, salade de choux, pain et Coca-Cola pour seulement $7.50 plus taxes. Du poulet frit à ce prix-là, on serait fou de s'en passer. Livraison 418-679-0900. Le restaurant Midas fête ses 50 ans au 1084 route 169 Saint-Félicien. Venez fêter avec nous en profitant de ce rabais du mois de mai sur le poulet frit. 3 morceaux, 7,50 plus taxes. On va parler du UFC. Un UFC ce soir, c'est au Brésil, à Rio de Janeiro. On en parle avec le UFC 237. Salut Claude. Salut Danny. Claude, c'est un. Mais avant de parler du UFC 237 qui a lieu au Brésil, c'est un combat de femmes d'ailleurs. Marc-André Barrio. On peut, même s'il a perdu, on peut qualifier ça d'entrée réussie, hein? Oui, il a fait quand même un bon combat. Son adversaire, moi je pense que Marc-André en avait fait assez pour gagner. Ouais. C'est lui qui a donné les coups les plus percutants. Mais son adversaire au dernier round, il a maintenu tout l'offre. Je n'étais pas vraiment d'accord avec la décision, mais c'était serré. Mais oui, je pense qu'il a donné quand même un bon spectacle. C'est lui qui était l'agresseur et tout ça. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner après. Mais je pense qu'il avait signé pour 3 combats, si je me rappelle bien. Ouais. Exactement. Mais c'est quand même sur la carte principale, en plus. C'est ça qui est pas pire, là. Quoi? Pardon? Il était sur la carte principale. Ouais. Donc, mais on sait très bien que dans l'UFC, c'est pas si gagne-perd, c'est pas ça qui est l'important, c'est le bon show que tu as donné. Là. Oui, définitivement. Marc-André, c'est pas quelqu'un qui va se rendre dans les grands honneurs, tu comprends-tu? Là? C'est des joueurs dans la Ligue nationale, il y en a beaucoup, là, mais c'est pas tout des tops. Là. Ben, il y a des joueurs de 3e, 4e trio. Là. Marc-André, ça va rester quand même un gars, un bon combattant. Mais ça ne sera pas jamais un top 10. Là, ça, okay. Je ne penserais pas. OK. Donc, ça peut quand même être respectable. Oui. Dis-moi, ce soir, UFC 237 au Brésil, et c'est Rose Namajunas. C'est probablement l'une des meilleures filles, meilleures combattantes du UFC qui va affronter Jessica Andrade. Puis c'est probablement le dernier combat en carrière du plus grand combattant avec Georges St-Pierre et Edson Silva. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Ah oui, écoute, c'est quand même un bon UFC. Il y a quelques bons combats. Il y a Aldo aussi, José Aldo qui se bat. Oui, c'est en plein ça. Puis il y en a aussi un peu bizarre, là, BJ Penn contre Lady Top. Mais ça va être une bonne carte. Comme tu disais, écoute, Rose qui a battu ses deux derniers combats, c'était contre Sanson. On sait contre l'ancienne championne, Johanna, ça a donné des très bons combats. Puis, à mon avis, deux surprises qu'elle a gagné, mais écoute, elle est meilleure. Maintenant, elle va se prendre contre un très bon adversaire aussi. Puis comme elle disait un peu, là, ça y fait drôle de penser à autre chose que Johanna, parce que les dernières années, elle pensait chez elle, ses deux derniers combats. Puis ça va donner un bon spectacle, mais Rose devrait l'emporter à ce niveau-là. Okay. Ensuite, comme tu disais, Anderson Silva qui se bat contre Jared Cannonier. Ça va être un bon adversaire pour lui. Jared Cannonier, qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est que ce gars-là, il a commencé dans l'UFC dans la catégorie des poids lourds. Il se battait poids lourd, après ça, il a descendu à 205, il a fait une coupole de combat là. Puis là, il est rendu à 185. Donc ça, c'est vraiment sa niche là, ça pour sa shape, puis tout ça, c'est exactement le bon poids pour lui. Puis il devrait donner un bon show, mais d'après moi, Silva, il a donné un adversaire que Silva soit capable de gagner. Là. Ouais, parce que lui, c'est probablement son dernier combat. Là. Surtout que ça se fait au Brésil. Edson Silva au Brésil, c'est une grande vedette. C'est probablement l'une des grandes vedettes du Brésil. Donc j'ai l'impression que ça va. T'es d'accord avec moi? Ah oui, il a eu une belle carrière. Écoute, ouais. Anderson Silva s'est battu contre tout le monde. Puis, ouais. Il a relevé des défis. À son dernier combat encore, il a pris un jeune lion là, qui était en pleine montée. Il a dit moi, je vais y aller. C'est tout qu'un combattant, c'est tout qu'un adepte des arts martiaux. Là. Il va avoir une grande carrière. Ça ne sera pas grave qu'il prenne sa retraite du tout. Ce serait même le temps, ce qui commence à Oui, effectivement. Dis-moi, on va y aller maintenant dans l'autre. Il y a José Aldo également qui se bat. Ben oui. José Aldo qui, on sait qu'il était à Niche il n'y a pas longtemps. Considéré comme le meilleur livre pour livre ou un des meilleurs. Il a eu une couple de défaites, puis là, ça va bien. Il se passe contre un adversaire là, qui devrait aussi être en mesure de battre là, relativement facilement samedi au Brésil là, devant son monde. OK. Dans les autres combattants, y a-t-il des autres combats? Y a-t-il des combats intéressants? Oui, il y a une couple, mais c'est comme je te disais tantôt, lui que je trouve le combat bizarre de la soirée, c'est BJ Penn contre Clay Guida. Okay. Colby Jepen qui a perdu son dernier combat de façon spectaculaire en moins de je me rappelle plus, en moins de 30 secondes, en moins de 40 secondes, contre Ryan. Puis là, il se bat contre Lee Guida, qui lui est là depuis, mon Dieu, depuis des lunes aussi. Là, c'est le gars qui a tes cheveux dans la face, là, pour ceux qui ne le replacent pas. C'est un drôle de combat contre deux vieux bonhommes. Au Brésil en plus. Parce que c'est un drôle de match, je sais pas. Mais bon, ça va donner probablement un bon combat quand même, là, pour ceux que ça fait un bout qui regardent ça, mais c'est un combat qui n'a pas d'intérêt là, pour le championnat, c'est chaud. OK. Dis-moi, il y a deux, trois petites questions à te poser aussi. D'abord, on va parler de Charles Jourdain. Est-ce que Charles Jourdain, qui a fait le saut en UFC, peut faire... on dit que c'est... Je lisais lorsque ça a été annoncé, que c'est peut-être le meilleur combattant sortant du Québec depuis GSP? Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Pas du calibre à GSP non, non, non plus. Mais depuis... Non, non, pas du tout, là, mais je veux dire... Oui, on peut dire ça. C'est un gars qui est spectaculaire, surtout aujourd'hui. Il a une grande attrape. Okay. Il est coquille un peu. Puis, il est spectaculaire là, dans l'octogone. Là. Il est dur à prévoir. Il fait des folies un peu. Puis, il est fun à voir combattre. Donc, il est d'une catégorie de poids qui est très, très compétitive. Mais oui, il y a quand même de l'avenir là, dans l'UFC, je pense. En tout cas, j'ai hâte. Puis, il y a un poids lourd qui serait dans le TKO, qui semble-t-il qu'il y a un drôle de nom, qui semble-t-il que c'est la prochaine vedette, une des grandes vedettes du poids lourd. Est-ce que tu as entendu parler de ce gars-là? Si on parle de Gagné, je ne sais pas. Gagné, mais... Oui, c'est Gagné, c'est exactement lui, oui. On dit que c'est une vedette en devenir, t'es d'accord? Oui, puis les poids lourds, c'est embêtant, parce que c'est pas une catégorie qui est hyper compétitive comparée aux autres, parce que des gros bonhommes qui bougent vite, qui sont bons, puis qui ont du talent. OK. Ils sont pas dans l'UFC. OK. Fait que c'est tout une surprise un peu là, dans ce sens-là. Fait que oui, tout peut arriver chez les lourds. Là. Puis le gars, il est bon, il est athlétique, tout ça. Okay. Fait que oui, ça peut être quelque chose là, dans s'il chemine bien, puis s'il pogne les bons combats. On parle que ce serait l'an prochain que ça pourrait, qu'il pourrait passer. D'après vous, il faut qu'il y en enligne une coupe de spectaculaire, là, deux, trois bonnes victoires. Là. Ouais. Puis ils vont se battre bientôt d'ailleurs. Là, ça fait que. Oui, je pense que c'est... quand tu veux pas, le TKO, c'est quand même le berceau pour le UFC. Là, c'est comme un club école un peu. Il y a quelques organisations comme ça en Amérique du Nord là, qui servent de piscine là, à talent. Puis TKO, ben, quand tu es champion TKO, puis tu fais quelques combats dominants, normalement, là, ça t'ouvre pour le UFC. OK. Aussi, je veux te parler de Khabib. Khabib qui a ciblé GSP comme dans sa liste de combattants qu'il veut affronter. GSP, j'écoutais Pat Côté cette semaine dans le podcast, dans la cage sur RDS, il a mentionné que GSP n'a pas arrêté de s'entraîner. Donc, est-ce que... Puis il n'a jamais fermé la porte à un retour, d'ailleurs. Puis Khabib dit oui, écoute, ce serait tout un fight, là. Ce serait probablement l'un des plus gros fights de l'histoire. Là. Ah oui. Écoute, GSP, il était quasiment en fight shape à l'année. Là. Ouais. Mais c'est surprenant pareil. S'il n'a pas arrêté de s'entraîner, ça veut dire que probablement qu'il y a encore des visées sur ce combat-là. Ben, il aime ça, c'est sa vie. Comprends-tu? Écoute, les gars, moi, j'ai des gars de mon gym qui sont allés une couple de mois, puis au Tristar, c'est George il donnait des cours, puis il est cool avec tout le monde, il s'entraîne. T'sais, il aime ça. C'est sa vie, lui, s'entraîner, les arts martiaux et tout ça. Fait que pour le combat avec Khabib, ben c'est sûr, ça ferait tout un combat. Je sais pas à quel poids. George peut peut-être descendre à 165. Je sais pas s'il fait un catch-up. Khabib est quand même, il est capable de monter à 170 aussi sans problème. Ça serait un combat extraordinaire, ça, c'est sûr. George est quand même encore dans son pic. C'est sûr, il n'y a pas beaucoup de combats de fête les dernières années, mais c'est pas grave. Khabib, bon, quand il y a eu l'entraînement, GSP, apparemment, qui a été malade, il a trouvé ça très dur, son camp d'entraînement, là, quand il est remonté dans l'octogone. C'est parce qu'il y a eu des problèmes encore à cause d'intestin, puis tout ça, là, c'est ça que je veux dire. Okay. S'il a réglé ça, en tout cas, ça pourrait bien aller, là. Mais bon, on va voir, ça serait tout un combat. Je pense que GSP sortirait gagnant, parce que, tout simplement, à cause de son stand-up, puis il n'y a jamais personne qui a réussi à tenir GSP sur son dos. Je pense que GSP, il a dû passer... Il a dû passer 3-4 minutes dans toute sa carrière sur son dos. Ouais. Il n'y a jamais personne qui le gardait là. Puis je pense pas que Khabib serait en mesure. Surtout que Khabib serait plus petit, moins fort. Puis GSP, là, son jab et son debout, là, la sagesse de la distance est vraiment, vraiment, vraiment supérieure à Khabib. Le, la partie debout, la partie frappe, GSP est des années-lumière en avant de Khabib. Pour le sol, puis tout ça, je pense qu'ils sont tous les deux bons, mais je pense encore là, GSP, à cause de son poids, sa force aussi, il sera en mesure, Khabib sera pas capable de garder la tête comme il fait là, avec certaines personnes. Mais okay. Ça sera un combat, c'est sûr que ça sera probablement un des plus gros combats que l'UFC a jamais fait. Effectivement. Claude, on s'en parle au prochain UFC pay-per-view? C'est bien beau, mon dernier. De l'ami Claude Perron qui nous parlait du UFC.